fromage au Pasque. Le Béarnais donne des coups de casque, car il le sait bien avec ses brebis. D'où vient vraiment le Osso Irati? Un seul béret dans le 64 que se dispute Béarnais et Basque. Des fortes têtes au pied des Pyrénées, toi le touriste nous fais pas trop chier. Le basque entend ce jaloux de pas loin, mais me très bien un bon coup de pala. Ce vaste con et sa sauce béarnaise, il en ferait du poulet basquaise. La force basque, ça le fait marrer, il a la même du côté béarnais. Ce béret rouge et son socatira, que beau un pecha, nous pecha nara. Un seul béret dans le 64, que se dispute béarnais et basque. Des fortes têtes au pied des Pyrénées, toi le touriste nous fais pas trop chier. Se bagarre, mais jamais on oublie qu'on vit chacun près du Pitani. Du Pacharan, une poignée de main, un poule rouge, on redevient copain. Et puis on déarme les basques, croquer les maris sur tête de Dax. Tous deux unis sous le même béret, ferons la paix en cognant du landais.